On a des automatiques qui font, deux trois peuples qui font, les morts qu'il nous faut pour rentrer dans ta maison. On débarque à picher dans ta rue, paire de gants, pas de paluche, on pète un plomb. T'es peut-être un bandit pareil, si mais là-bas on t'a jamais vu, donc arrête un peu. Oh, je dans un gros bolide, je fais du bénéfice. On allait cambrioler quand tu lisais des livres. On manie l'engin, on connaît les risques. J'ai toujours appris à compter sans mathématiques. Mais ça va vite, beaucoup trop discret. Sans blase, ils nous voient pas, je crois bien qu'ils font exprès. Ils sont morts dans l'extrême, je suis toujours dans l'extrême. Le terrain des bits, ça, le filon paralyse. J'ai moyen, c'est mon pétard à gauche qui pourrait finir dans ta bouche, là quand ta mère la pute. On t'allume avant de faire les poches devant l'OPJ dans mon audition, je perds la vue. C'est la rue, les minots éliminés, c'est fini dans la minute si c'est toi qu'on fait. Je sais pas pourquoi j'ai plus d'espoir après 24 heures de GAF, c'est la merde dans le cube. Je descends, je pète un lambeau, tes stress roulent en com. Je vois que lui il menace trop, ce soir on aura le temps de glisser. Je descends, je pète un lambeau, tes stress roulent en com. Je vois que lui il menace trop, ce soir on aura le temps de. Une arme, deux gants, trois balles. Une arme, deux gants, trois balles. Je descends, je pète un lambeau, tes stress roulent en com. Descends, j'peux t'en lambeau, tes stress et roule un con. Les gens vont t'allumer comme t'as pas idée. Je suis le fruit de là où tous les miens m'ont validé. J'ai connu la foi, la folie, vu la vérité. J'en garde deux en année, j'me dis que c'est mérité. Ils n'ont rien qu'on envie, bitch, any day, anytime. J'passe à la ligne, j'prends une mini-tay, hey. J'kick ça depuis l'époque du Minitel. Oh, j'étais même pas né à l'époque du Minitel. Bitch, home, no gangsta. Incapable de m'arrêter à une langue. Demande des aides sur le même track. And the brand new name goes skr skr. Putain les shit, just dégage. Si les mères appliquent, ça risque d'être très sombre. Pogo le show cause des gars, non. Pogo le show cause des gars. Bitch, give me head if you ready, you dead, we don't play. They keep calling me, be like, why don't you stay? Tu funk français avec les mêmes qu'hier. J'appelle RK ou JS weekend. Nouvelle gêne est pire que celle d'hier. On court devant la Ford Fiesta. On court toujours au fond de la classe. Je descends, je pète un lambeau. Tes stress roulent en com. Je vois que lui il menace trop. Ce soir on aura le temps de glisser. Je descends, je pète un lambeau. Tes stress roulent en com. Je vois que lui il menace trop. Ce soir on aura le temps de glisser. Une arme, deux gants, trois balles. Une arme, deux gants, trois balles. Je descends, je pète un lambeau. Tes stress roulent en com. Je descends, je pète un lambeau. Tes stress roulent en com. Je descends, je pète un lambeau, tes stress roulent en con. Je descends, je pète un lambeau, tes stress roulent en con.